Rita Mitsuko, restez avec moi.

C'est la fin. La fin de cette émission. Vous la retrouverez mardi prochain. Mardi prochain, dans sa rediffusion. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur le 91, sur le 102.5. Sorgi FM, la radio la plus proche de chez vous. Je vous aime, je vous embrasse. Vous écoutez Sorgi FM, la radio.